Saïgon, par Pierre Barlon. Chapitre 1er. Aspect de Saïgon. Premières impressions. Le Cap Saint-Jacques est en vue, c'est la terre française. Alors commence la fastidieuse navigation de la rivière jaunâtre et argileuse qui descend de Saïgon entre des rives basses, inondées, vertes d'éternels palétuviers. Après les interminables lacets du fleuve monotone, apparaissent les hautes tours rouges de la cathédrale de Saïgon. Bientôt, on découvre le port et la ville. Le transport vient lentement se ranger dans le port de guerre et accoste à quai. On descend l'échelle. Deux hommes à la coupée. À l'appel de l'officier de gare, les mâturins de service se pressent en ajustant leurs ceinturons toujours indociles. Et le débarquement précipité s'opère au milieu des cris, des appels, des bouts de conversation qu'échangent de loin les amis qui attendent et les passagers impatients d'être à terre. Les invitations se croisent pour le soir, pour demain. Les nouvelles de promotion, de décoration et parfois, hélas, de mort circulent sur le ton le plus élevé. Peu à peu, le quai se dégarnit, devient moins bruyant, s'apaise. Les voitures malabares, aux couleurs vives, ce sont les fiacres du pays, s'emplissent d'assaut, et les vaillants petits chevaux anamites emportent vers la ville toute une jeunesse d'officiers, de fonctionnaires et de colons. Le port de guerre prend sur la rivière de Saïgon un large espace réservé au mouillage des seuls bâtiments de l'État. De nombreuses canonnières, des torpilleurs, quelquefois des cuirassés, tranchent avec leurs coques blanches sur ces eaux argileuses. Tout à côté de l'appontement, l'hôtel de l'amiral se cache dans la verdure. Plus loin, l'arsenal, la ruche coloniale la plus active qu'on puisse souhaiter, ébranle la ville à coups de marteau-pilon. Les services que rend le grand bassin de Radoub sont inappréciables. Les navires du plus fort tonnage y peuvent réparer à l'aise leurs avaries. Au travers des grilles et des jardins, on aperçoit les longs toits rouges des magasins d'approvisionnement de la marine. Sur le quai du commerce, à la limite du domaine militaire, nous admirons le nouvel hôtel des messageries fluviales de Cochinchine et l'élégante flottille de la compagnie. Enfin, nous sommes dans la rue Catina, fameuse par ses superbes boutiques, ses cafés décorés, son mouvement incessant de voitures et de piétons. Mouvement augmenté encore, les jours d'arrivée d'un transport par quelques centaines de jeunes gens pressés de se distraire des fatigues d'une longue route. Les uns se précipitent dans les cafés, avides de boire frais. La glace n'est pas toujours abondante à bord, et l'expérience peut seule donner une juste idée de la somme de jouissance que renferme l'écume glacée d'un cocktail ou la simple mousse d'un bock pour les débarquer d'un transport. D'autres prennent d'assaut les hôtels, fort heureusement nombreux et confortables. Tel veut un vrai lit, large et très blanc. Tel se réjouit dans l'attente d'un copieux repas servi dans une vaisselle immaculée. En mer, lorsqu'il fait gros temps, on est bien forcé de négliger à l'office quelques soins de propreté, et l'on conserve cette habitude funeste par les temps les plus calmes. La rue Catina a une animation remarquable. Ce n'est pas ce mouvement particulier aux rues chinoises qu'on trouve dans toutes les villes d'Extrême-Orient, avec ce grouillement de torses nus, de jambes nues, remuantes, pendante, dormante. Ici, l'animation est toute européenne, j'allais dire parisienne. On a dit bien avant moi que Saïgon est le Paris de l'Extrême-Orient. À 5 heures, quand le soleil bas à l'horizon permet d'abandonner le casque colonial, si disgracieux, mais si indispensable, et de quitter les voitures fermées, on assiste à un long défilé d'équipages bien attelés, entraînant le tout Saïgon élégant à la promenade journalière. Les gracieuses européennes, de plus en plus nombreuses, n'ont point abandonné les meilleurs modèles de la mode parisienne, mais le sexe fort a complètement renoncé au luxe du costume. Rien n'est moins compliqué que sa parure. Un veston et un pantalon éblouissant de blancheur, c'est tout, et c'est fort commode. Des chroniqueurs fashionables qui abattent leur tour du monde en moins de 80 jours, et qui malheureusement pour leurs lecteurs n'ont guère le temps de connaître les pays dont ils parlent, racontent avec tout leur sérieux des choses extraordinaires sur nos colonies, sur la Cochinchine en particulier. Les Européens de Saïgon, à les croire, promènent tristement dans des rues poussiéreuses leurs faces pâles et leurs yeux éteints qu'ils dérobent derrière d'énormes lunettes noires. ils semblent stoïquement attendre le sort fatal que leur réserve le mâle cochin chinois. Ces descriptions alarmantes sont d'un autre âge ou d'un autre pays. Sans doute, les hommes, les femmes surtout, ont à Saïgon un teint blanc et délicat, mais les roses se mêlent au lys et les rides ne sont pas absentes des visages. Cette délicatesse de teint est le fait de la vie à l'ombre, obligée dans ce pays de soleil impitoyable. Enfermé tout le jour dans des appartements assombris où l'on évite avec soin la moindre filtration non seulement de lumière, mais encore de réverbération, les colons acquièrent forcément cette blancheur qui n'est en aucune sorte l'indice d'une santé chancelante. Il suffit pour s'en convaincre de vivre à Saïgon et de fréquenter les Saïgonais. Nous sommes bien convaincus que ceux qui décrivent par trop légèrement nos villes coloniales gagneraient à passer au moins quelques jours dans les escales qu'ils abîment si allègrement à coups de plumes.